Studec Web. Studec Web, il est 14h, on est mardi, il y a du soleil, et c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu depuis vendredi. Aujourd'hui, dans Coup de Boost, nous allons parler du nouveau carburateur à induction électromagnétique. Ça va être super. Ah ouais, mais non, c'est pas ça leur émission. Oupsie. Allez, faut se lever, c'est l'heure du Coup de Boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studec Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. Bonjour à tous, vous êtes sur le Coup de Boost, le deuxième réveil de la journée. J'ai avec moi deux messieurs qui sont à côté de moi autour de la table. Ils sont là, c'est là, j'ai Mathias à ma droite. Salut Nathan, salut tout le monde. Bah ouais, ça va, petite forme aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé hier, mais bon. On y reviendra tout à l'heure. On en parle dans un instant. Ouais. J'ai aussi Axel à ma gauche. Yes, salut Nathan, salut à tous. Bah ouais, j'attends toutes vos réactions là sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, comme d'hab. On continue comme hier, vous avez été hyper nombreux à réagir, ça fait super plaisir. Et moi, ça, je dis pas que ça va super bien aujourd'hui, mais j'ai passé une nuit horrible. À vrai dire, les mecs, hier soir, j'ai fait un cauchemar, en fait. J'ai revu ma prof de français. Voilà. En fait, je retournais au lycée, les pires années de ma vie, clairement. Elle était là, elle me demandait, en fait, le corpus sur Bel Ami de Maupassant. Oh. Et le pire, c'est que je l'avais pas sur moi. Du coup, j'ai bégayé, clairement. Aïe. Et on en parle aujourd'hui. C'est les pires souvenirs, ça. Les profs et l'école, c'est notre dose du jour. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh la fofolle. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge, bon ça va. Belle plante blonde. Ah ouais, mais c'est trop bien quoi. Le dose du jour sur Studec Web. C'est vrai que l'école, pour beaucoup d'entre nous, c'est l'apprentissage, le passage vers l'âge adulte. Et on a tous galéré, faut l'avouer, pendant 12 ans pour avoir ce foutu bac, baccalauréat, clairement. Et pendant cette... J'espère que vous l'avez tous autour de la table. Ouais, mais j'ai pas le brevet. Ah, mince, c'est bien dommage. Non, mais après, c'est pas forcément obligatoire, c'est mieux de l'avoir, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Le bac, et pendant cette longue période chiante et fastidieuse, c'est vrai que vous avez peut-être quelques petites anecdotes qui vous sont arrivées. C'est votre objectif aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous raconter vos pires souvenirs à l'école. Quand vous étiez au collège, au lycée ou en primaire, que ce soit avec votre prof de français, votre prof de maths, votre prof d'histoire, votre prof d'espagnol, d'ailleurs les profs d'espagnol qui sont encore sponsorisés par des iguanes. Ouais, ils sont en partenariat, mais je suis sûr qu'ils ont un code promo espagnol 10 là. Voilà, vous nous racontez tout ça sur Facebook, Twitter, Instagram avec le hashtag prof. Vous avez déjà des petites anecdotes les gars? Un petit peu, ouais. Moi je sais que j'avais ma prof des SVT qui mesurait de 5 mètres sur 1 mètre limite. C'était un cube le truc. Oh, c'est horrible. Non, mais franchement, c'était le cliché de la prof d'espagnol. Enfin, d'SVT, pardon. Vraiment, il y avait tout. Il y avait l'haleine, la passion pour la dissection. Et je m'arrête là parce qu'on vient de manger. Tu vois, mais. Axel. Moi, j'avais une prof d'art plastique. Elle était insupportable. Tu sais, c'est les profs d'art plastique, elles sont toujours complètement perchées. Elles mettent des 18 à des dessins qui ressemblent à rien. Non, mais c'est par rapport à l'art. Moi, je faisais des trucs dégueulasses. Et en plus, tu sais, je m'appliquais pour faire des trucs dégueulasses. Et je me disais, plus ça va être moche, mais je vais avoir une meilleure note. Et en fait, j'avais des notes de merde. Mais vraiment, pour avoir 7-8 en art plastique, je trouve que c'est la loose quoi. Moi, que tu sais juste pas dessiner en fait. Ouais, exactement, je pense que c'est ça. Ou alors elle t'aimait pas. Moi pareil que toi Mathias, c'était ma prof de physique, frère, elle avait une haleine, tu la sentais arriver dans les couloirs du lycée. Putride, en fait, t'avais même pas besoin que le CPE arrive pour te dire si elle était là ou elle était pas là. Tu le savais. Tu le savais déjà. L'école, on en parle dans un instant. On va faire un petit tour aussi sur la météo juste après. Tout ça, ça arrive juste après. Later, bitches, Prince Karma sur Studec Web. Bitches. Sanchez. The Prince Karma sur Studio Aquam. Merci si vous venez de nous rejoindre. Le coup de pouce, c'est le deuxième réveil de la journée, de 14h à 15h sur Studio Aquam. Et vous êtes les bienvenus sur Studio Aquam jusqu'à 15h. On est ensemble avec l'équipe du coup de boost. On est là. Ah, il y en a qu'un qui est là. Non, toujours là. Il y en a qu'un. Ok, Mathias, c'est bon, tu t'es réveillé tranquille? Ah, un sommeil dur, compliqué mec, peut-être hier soir. Difficile. Aujourd'hui, on revient sur les profs. Je n'ai jamais vu. Une classe avec un niveau aussi bas et aussi contestataire. Je n'ai jamais vu une classe avec trois élèves. Bien. Ah, je fais bien, c'est ouais, Lukaku. Franchement, t'as le talent. Petit big up à Lukaku. À vous au moins, on a tous eu un prof qui nous l'a déjà dit. Ça, c'est vrai, vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. On vous l'a dit, les mecs. Ouais, on me l'a dit, mais on l'a dit chaque année, donc je pense que c'est vrai. Peut-être spécialement pour toi, Mathias. Est-ce qu'on a des réactions sur les réseaux sociaux? Yes. Avec l'hashtag école. On a Axel de Montélimar sur Twitter, d'ailleurs, très bon choix de prénom au passage, je tiens à le dire. Et alors, Axel de Montélimar, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit moi, quand je voulais aller aux toilettes quand j'étais petit, la prof d'anglais me répondait toujours In English, please. Et comme j'avais 4 de moyenne, je me pissais toujours dessus. Mais c'est énorme. Mais hey, je t'adore. Bah justement, Mathias, what's the weather like today? Eh bien, the weather like today, mon pote. Ah, va falloir sortir mes parapluies. Hein. Comme vous avez pu le remarquer, le ciel est caché aujourd'hui. Les responsables en sont les nuages, même si leur concentration est plus dense vers le sud de la France et des températures qui se rafraîchissent, allant de 6 à 17 degrés. On attend la minimale de 6 degrés dans le Grand Est. Il fera 9 degrés dans les Hauts-de-France, 10 pour l'Île-de-France, la Bourgogne et la Normandie, 11 en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, 14 en Provence-Alpes, Côte d'Azur. Et enfin, la maximale est prévue en Corse avec 17 degrés. À demain pour un nouveau point météo avec Mathias Laborde. Oh mince, j'ai encore oublié la mort de Louis XVI. Ah, mais je t'avais dit de noter. Le post-it sur Sidekweb. Alors c'est vrai qu'on commence le post-it avec quelques infos qui sont arrivées dernièrement. Aujourd'hui, on est le 13 novembre, c'est pas forcément la journée la plus cool. La plus gay, ouais, la plus joyeuse. Du monde, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait exactement 3 ans qu'il y a eu les attentats à Paris, au Bataclan et notamment sur les bars autour de sur Paris. Terrasse, et justement, ouais. Je tenais, moi et l'équipe, à passer une pensée pour les familles des victimes. On aimerait aussi commencer avec cette information qui a lieu hier soir, Mathias, sur la mort de Stan Lee. La mort de Stan Lee, mec, ça m'a abattu. J'ai été me coucher directement dès que j'ai vu ça. Ah, c'était hyper triste. Stan Lee, qui a carrément créé Marvel, l'univers de Marvel avec Spider-Man, Marvel, Hulk, Iron Man, les Avengers et X-Men. Et ce qui était fort avec ce mec, c'est qu'il nous a carrément plongé dans son univers. Et ça. Il a tout créé, c'est ouf. Repose en paix. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'usabilité. Je sais pas si vous le saviez. Ah, pas du tout, non. De quoi de l'usabilité? Ouais. Et quand on sait qu'Axel ne sait toujours pas mettre le plein dans son scooter, ça fait quand même. Ça y est, maintenant je sais, j'ai fait le plein hier. Après 3 litres d'essence dans le coffre. Ça fait 3 fois l'un que je fais que ça déborde, il y en a partout, c'est l'horreur. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre du coup le 13 novembre, Axel? Eh bien, le 13 novembre 1830, c'est la première publication du Rouge et le Noir de Stendhal. Un livre qui est assez facile à lire d'ailleurs. Je parlais des profs, ils m'ont fait lire celui-là. On l'a tous lu ce livre, mais au lycée, on nous l'a tous filé. On est bien d'accord, Nathan? Ah bah, c'est une histoire d'amour sur 600 pages, clairement, c'est moi, j'ai facile. Résumé perso. Oui. Après, j'ai pas vu, très sympa. Bon, on continue. Le 13 novembre 1907, c'est le premier vol en hélicoptère par le français Paul Cornu de son nom. Bon, alors, on n'est pas encore sur un succès parce qu'il va atteindre les 1m50 de hauteur maximum, mais je trouve que c'est déjà un très bon début. Tu vois, quand on voit que maintenant les hélicoptères ils sauvent des vies avec les pompiers, la police, etc. Et ben moi je dis, ce monsieur il a révolutionné le monde pour une partie. On est bien d'accord. Axel, je suis d'accord avec toi. Si vous voulez sortir ce soir également, il y a des concerts à l'Olympia, vous retrouvez le groupe Parcells. Et Parcells sur ce groupe Overnight, c'est un groupe australien. Et franchement, j'aime beaucoup, produit par les Daft Punk. Je sais pas si vous saviez, les mecs. C'est hyper sympa, je sais pas. Ah, okay. D'accord, bah maintenant vous le savez. C'est la connexion mondiale, les Français qui produisent les Australiens. Un album qui est sorti il y a un mois. Okay. On va jouer dans un instant au booster, les amis. Maison, poisson, hélicoptère, verre de terre, pain. Biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Pour participer au booster, c'est hyper simple. Un hashtag a été lancé sur les réseaux sociaux, c'est toi qui t'en occupes, Axel. Le hashtag booster. Exactement, c'est hyper simple. Pour tenter de remporter, on le rappelle, un pack Studek Web avec beaucoup de choses sur ce pack. Alors, il y a un crayon, un stylo, il y a des autocollants Studek Web, il y a la visite de tous les studios. Il y a la visite de tous les studios, vous venez faire de la radio avec nous, c'est exactement, cool. Ça c'est top. Vous venez quand vous voulez et on se rencontre, on discute ensemble et ça fait plaisir. Voilà, c'est incroyable. Il y aura juste un mot à retrouver, c'est le mot auquel on pense toute l'équipe. Un mot aujourd'hui, on le rappelle, sur les écoles, les profs, c'est en rapport avec notre touche à la scolarité en fait. Voilà, normalement ça devrait être facile à trouver. Ça peut pas être que ce qui se passe dans une classe, ça peut être aussi ce qu'il y a à la récréation ou c'est dans ça. Les toilettes des tout ce qui est dans le style en fait, dans le sujet. Et vous allez voir, c'est assez facile. Dans un instant, on va parler des infos inutiles. Ça arrive juste après le nouveau titre du Bordelais, Nola. Très jolie découverte sur Studek Web, mélange entre électro et pop. On ira. C'est son premier single et c'est sorti il y a 2 semaines. Comme une idylle, le rêve dans la nuit, un voyage sans fin. Paraît qu'il n'y a pas d'amour sans folie, là on verra bien. Je revois encore nos nuits, l'odeur de ton absence. Je te rattraperai si tu fais. Let me love you. Let me love you. On ira où tu voudras. Où ce monde nous emmènera. On ira loin de tout. On ira où tu voudras. Et quand ce monde nous enlèvera, I want to talk to you. Comme le regard d'un enfant. J'ai beau faire semblant, j'ai peur aussi. Je revois nos lendemains au son de ta voix. Si tu changes de chemin, moi je viens avec toi. Let me love you. Let me love you. On ira où tu voudras, où ce monde nous emmènera. On ira loin de tout. Quand tu me fuis, si tu pars, moi je ne suis plus que l'ombre de mes nuits. Et si tu pars, moi je te suis quand tu t'égares, quand tu me suis. Si tu pars, moi je ne suis plus que l'ombre de mes nuits. Web, vous êtes sur le coup de boost, on est ensemble jusqu'à 15h. La classe est toujours là aujourd'hui ? On est toujours là. Toujours. Ok, on va faire l'appel. Axel. Yes, je suis là. Non, on dit présent. Présent, excusez-moi, monsieur professeur Nathan. Mathias. Oui. Oui. Non, j'ai dit présent. Ah, présent. Faut écouter. Présent. Arthur et Rémi sont là, sauf qu'ils ne peuvent pas nous parler. Toujours sont au fond de la classe. Au fond de la classe, exactement, c'est ça. Vous êtes les bienvenus sur Studio Quem. On a des réactions déjà sur le jeu du booster. Non, pas du tout. On a des réactions sur le hashtag école. Oui, exactement. On a Steve@McQueen sur Twitter qui nous dit salut l'équipe. Moi, je crois que ma prof de maths, c'est un alien. Comment je peux faire pour vérifier ? Eh bien, écoute, Steve, je ne vois qu'une seule solution, il faut lui demander. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à te dire. Joyeuse heure de colle, mon pote. Courage. J'espère qu'elle n'écoute pas le studio quand même, hein, t'es un prof. On va passer aux infos inutiles avec Axel maintenant. Hier, tu nous as parlé de drogue en revenant sur le coca. C'est vrai. On a reçu notre petite lettre du CSA, Axel. Je l'ai mis sur ton bureau, hein, elle est prête. Mince. Et d'ailleurs, il me semble que tu en reparles aujourd'hui. Oui, du coup, ça me rassure pas trop. Bah, aujourd'hui, je vous balance une info sur les présidents de la République. Et ouais, je suis comme ça, grosse info. George Washington et Thomas Jefferson, qui sont deux présidents de la République des États-Unis, étaient des grands cultivateurs de cannabis. Voilà, c'est tout pour moi. Mais au moins, petite info, grâce à moi, vous pouvez replacer ça lors d'un dîner chiant. Là. C'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Okay. Merci pas. D'accord, bah d'accord. Écoute, merci mec. Du coup, je replacerai la deuxième lettre du CSA sur ton bureau. Pareil. Ça sera ton salaire. Bon, moi, j'ai une info inutile un peu plus intelligente. Développement. Vous savez, en ce moment, on développe beaucoup l'électrique. Il y a l'augmentation des prix de l'essence avec les moteurs explosifs. Mm-hmm. Et j'aimerais vous poser une question, les mecs. Quand est-ce qu'est apparue la première voiture électrique ? Selon vous, à peu près une année ? Oh, il n'y a pas très longtemps, je pense. Il y a en 2001. Ouais, dans les années 2000. Dans les années 2000, début 2000, non ? Pas du tout. Le premier véhicule électrique a fait son apparition aux alentours de 1830. Quoi ? Ouais, il a été inventé par un Écossais du nom de Robert Anderson. Et pour la petite anecdote, en 1899, ils ont battu un record, ils ont atteint les 100 km/h avec ce véhicule électrique. C'est wow. Ouf ! C'est énorme. Ils font plus que les voitures sans permis à l'heure actuelle. Wow. Et le scooter d'Axel. Arrêtez avec vos scooters, il est archi bien. Une dernière info peut-être, Mathias ? Ouais, bon, moi je vous le disais hier, j'étais voir le film First Man l'autre jour, donc je me suis pas mal renseigné sur l'espace et tout ce qui touchait à Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Et du coup, j'ai appris que la mère de Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, hein, du coup, s'appelait Marion Moon, voilà, c'est marrant. Et je trouvais ça assez marrant pour vous partager. Mais bon, deuxième info inutile, hein, puis c'est cadeau, c'est pour moi. L'actualité hier a fait que Toy Story 4 est sorti et Buzz l'éclair sans rapport avec Buzz Aldrin. Voilà. Oh, Buzz Aldrin, pas mal. Et voilà. Pas mal. Ouais. Pas mal. Wow. Oh là là. Putain, bon, hey, Axel, on t'avait dit qu'ils allaient venir te chercher, les policiers. C'est pour moi. L'alerte média. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Mathias ? Ah, il s'est passé des choses. Mais là, aujourd'hui, on va revenir par rapport à quelque chose. Vous vous souvenez de Menel ? Oui, The Voice. Ouais, bah voilà, 9 mois après sa participation dans l'émission française The Voice, la chanteuse Menel a posté un message sur son Instagram pour donner de ses nouvelles. Dans le post, qui est accompagnée d'un cliché d'elle. Elle expliquera qu'elle a commencé une nouvelle vie, je la cite. Je voulais partager cette étape importante avec vous. Je viens de me marier et de déménager à Denver dans le Colorado. N'est pas simple du tout de changer, explique-t-elle en précisant que ça lui permettrait de découvrir jusqu'où elle est capable d'aller. Voilà, oui, voilà. Très bien. Regardez comme ça, les gars. Dans un instant, on continue l'émission. On va parler du DOS du jour aujourd'hui sur l'école, les profs. On a beaucoup d'anecdotes qui sont tombées sur les réseaux sociaux. On a également un auditeur qui va tenter, en tout cas qui va être avec nous à l'antenne. On l'aura dans un instant. Vous restez du coup avec nous. Le son de Lude arrive. Ah, j'adore. C'est hyper cool, incroyable. Il vient de New York le 4 juillet dernier, c'est un jeune producteur français, prêt à tout pour reconquérir le cœur de sa belle sur son titre Missing You. Et le DOS du jour, l'école, les profs.

Alors c'est vrai que quand t'es mauvais en français et que t'es mauvais en maths, bah, les possibilités se resserrent, hein, c'est comme un entonnoir. Alors je me suis dit, bah tiens, je vais faire de l'écho, ça va changer. Très très mauvaise idée. Et non, erreur. Et ouais, je vais parler de... Il y avait l'écho et puis il y avait aussi de la philo. La philo, je sais pas si c'est le genre de truc impossible, je sais pas si vous étiez bons les gars en philo. Absolument non. Pas. Enfin, non. Si ça allait, j'avais 9. Elle voulait pas me mettre 10 en fait. Ça allait mais, chier de mec, me mettre 10. 9, c'est ultra bien. J'ai bossé toute l'année, j'ai jamais rien compris. Et toute l'année, j'ai eu 6 sur 20 mes devoirs. Au bac, j'ai eu 6. Pareil, on change pas une équipe ah, qui gagne. Moi, j'ai eu 6 toute l'année, j'ai eu 12 au bac par contre. Ouais, t'es un génie. T'as vu, je te respecte trop. Bravo. Et alors, non, mais je te jure, j'avais un pote, il écrivait n'importe quoi, il avait 18. Enfin, y a pas de justice, je vous jure. En même temps, on a pas tous les mêmes capacités, je crois. Pas tous les mêmes profs, parce que c'est les profs qui notent. Non, mais c'est que souvent, quand on me voit, tu sais, avec mes lunettes, on me dit souvent, ouais, tu dois être chaud en cours, ça se voit. Et en fait, non. Je sais pas, on me dit souvent aussi que je devrais avoir le bac avec mention, pas du tout, tu sais, moi j'ai eu le bac à 10.03 en fait, mention donc, calme, en fait. Tu vois. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, j'étais tellement content de pas aller au rattrapage, c'était ma seule fierté au bac, tu vois. Tu vois, j'étais même pas sûr que tu l'avais ton bac, Axel. Merci, ça fait plaisir. Bon, moi les mecs, je sais pas si vous le saviez, j'ai fait un bac S, et je ne sais pas pourquoi je fais animateur radio aujourd'hui, et j'ai rien contre les ES, Axel, mais clairement, ah non, mais je t'en veux pas. Les ES, c'est ceux qui n'ont pas réussi à aller en S, ouais, sans vouloir que d'excès, tu vois. J'ai jamais voulu aller en S. Alors, en fait, j'étais pas du tout dans les premiers de la classe. En fait, je vous le dis tout de suite, quand la prof de maths rendait les copies, par exemple, vous savez, il y a toujours ce prof qui rend les copies, en fait, dans l'ordre de la pire note, de la meilleure note, pardon, à la pire note. Ça vous est déjà arrivé, ça, les mecs? Ouais. Ouais, et c'est l'horreur. C'est clairement horrible. C'est incroyablement en fait, plus nul. Plus elle rend ça. Les copies, plus elle rend les copies, et plus tu démoralises. En fait, tu te dis, putain, mais j'ai eu combien? Elle est à 10 là. C'est pas possible. Et du coup. Plus ça baisse, plus ça baisse, plus ça baisse, et au final, tu te rends compte que t'es le dernier de la classe. Et ça m'est arrivé. Deux fois, ça m'est arrivé. Dans un instant, on va jouer au booster sur StudiaQM, mais on a l'auditeur avant. On a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Et on exactement. A aujourd'hui Lucas, il me semble. Jonathan, pardon. Jonathan, est-ce que tu Jonathan. Nous entends? Salut à tous, salut à tous. Jonathan, dis-moi, Jonathan. Jonathan. T'es en quelle classe? Je suis en quatrième. Tu devrais être en quatrième. Tu sèches pour nous écouter? Ah, j'ai pas redoublé en plus, hein! Mais il est 14h27, t'es pas attends, en cours? Comment ça se fait, ouais? Bah, en fait, le souci, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais laissé un petit message. Ouais. En gros, j'avais une mauvaise note à un contrôle, et quand la prof, elle m'a rendu le contrôle, bah, je l'ai déchiré devant ah elle. Ah là là là. Le souci, c'est qu'en fait, ils m'ont viré deux semaines! Ah là, mon ah, pote, oui. Là! Non, ah, franchement, ils ont déconné là-dessus, hein. Franchement, j'ai pas compris. On prend positif, du coup, tu peux nous écouter tous les jours. Ouais, du coup, bah, je passe mon temps à vous écouter. Et en vacances anticipées. Bah, écoute, ouais, Jonathan, j'espère que tu l'as annoncé à tes parents, mec. Hein. Ça, c'est un autre sujet, faudra que je vous rappelle. Ok, pas de soucis, Jonathan, tu nous rappelleras dans quelques minutes. Est-ce que je peux faire une petite dédicace pour mon collège et ma classe? Vas-y, vas-y, si tu veux, vas-y. Si tu veux, Jonathan. Merci. Et dédicace à tous les 4e B du collège Henri Dess à Créteil, les gars. Gros bisous RPZ, c'est Jonathan. Je vais revenir en forme. Allez, on fait plein de bisous. Salut. Dédicace, big up. Salut, Jonathan. Je suis sûr que Jonathan. Salut, Jonathan. Merci d'être passé sur StudiaQM. Je pense que Jonathan, c'est pas le mec qui a pointé son pistolet sur sa prof là. Non, mais c'est le cas. Il s'en fout complètement. Dans un instant, je vous le rappelle, les gars, on va jouer au jeu du booster. Maison. Poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studec Web. Avec un cadeau exceptionnel à gagner aujourd'hui, un pack Studec Web. Il y a quoi dans le cadre? Il y a dans plein le de pack, choses. Pardon, il y a des stylos, il y a des crayons. Il y a quoi, des autocollants, les gens de voiture, comme je vous ai dit hier. Non, toujours non, pas. La visite des studios, vous venez faire de la radio avec nous, c'est incroyable. Exactement. Vous venez visiter tout simplement les studios de Studec Web. On se fera un plaisir de vous faire visiter et de vous faire découvrir la radio. Voilà. Simplement. Ça sera avec plaisir. Pour participer, c'est hyper simple. On a lancé depuis tout à l'heure avec Axel le hashtag booster et Mathias aussi. Exactement. Vous êtes sur les réseaux sociaux, les gars. Merci. Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez même nous envoyer des snaps si vous voulez. Ça m'intéresse. Vous nous envoyez ce que vous voulez sur Snap. Voilà, on a un mot je en rigole. Tête avec l'équipe. C'est le mot caché du jour. Votre objectif, c'est de poser un maximum de questions pour retrouver ce mot imaginaire. C'est comme un devine-tête, en fait. On vous le rappelle aujourd'hui, le sujet du jour, c'est sur l'école et les profs. Et, les profs. Et tout ce exactement. Qui touche au scolaire. Tout ce qui touche au scolaire. On ne réagira pas sur cette vanne, Mathias. C'était même pas une vanne. Tous au scolaire. Dans un instant, on va écouter 3 cafés gourmands. Ah, c'est bien ça. Vachement bien. Et l'info du vrai fou qui arrive dans un instant sur Studec Web. À tout de suite. Tous les jours, de 15h à 16h, vous retrouvez Borderline. Borderline, c'est cette équipe de 3 fous de culture, tout droit sorti du musée. du Louvre, trois personnes qui dépassent les bornes. Aujourd'hui, c'est Morgane qui prend les commandes avec Julie et Corentin. Ils reviennent sur des séries cultes, des musiques et de la pop culture qui vous ont fait rêver dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas encore sur Dailymotion, mais en tout cas, ils sont magnifiques. Dans un instant, on les retrouve. Il y a aussi Coco, et dans ce groupe, il y en a toujours un qui fout rien et un qui fait tout. Coco est celui qui fait tout. A tout de suite. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studekweb. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. Date de retour sur Studekweb, nous sommes mardi les 14h30 et aujourd'hui, le Flash Info est présenté par deux animateurs. Les journalistes d'aujourd'hui sont Alex Axel Chazal et Nathan Delahousse. Ah ouais, mais non, c'est pas ça les infos. L'info du vrai faux, c'est sur Studekweb. Bonjour les journalistes, bonjour à tous. Un point sur l'économie pour démarrer ce flash. Tout à fait Nathan, bonjour, bonjour à tous. Grosse opération pour Blablacar, la plateforme de covoiturage va racheter 8 bus. Les dirigeants seraient en cours de négociation pour l'achat de 20 000 dromadaires également. Le concept est novateur et plutôt écolo. La voiture officielle du président de la République pourrait être bientôt remplacée par un éléphant asiatique. Le zoo de Beauval a par ailleurs immédiatement réagi en prétextant à Emmanuel Macron, en proposant à Emmanuel Macron ce matin les animaux disponibles pour ses déplacements à travers la France. Parmi les propositions, on retrouve, comme vous l'avez dit, Axel... l'éléphant a été retenu par le chef de l'État. Trois postes sont donc à pourvoir en tant que ramasseur de crottes d'éléphants à l'Élysée d'ici janvier 2019. Sans transition, sport et la compétition pour le prix mondial de la meilleure dresseuse de Marie, une compétition officielle sponsorisée par Marlène Schiappa, ayant pour but d'améliorer l'obéissance de son homme à la maison. Nos envoyés spéciaux sont allés au parc des expositions de la Porte de Versailles, lieu où se déroulait la compétition. On écoute le témoignage de Gisèle Domina, une compétitrice pour le titre. C'est vrai que on est assez concentré sur cette compétition. Ça demande vraiment énormément d'implication, de soumission de la part de mon mari. Il en a un peu marre que je le frappe, mais bon, on espère tellement gagner le titre cette année que franchement, on y croit à fond. Gisèle Domina qui a toutes ses chances cette année d'ailleurs de remporter le titre de la plus grande dresseuse de Marie du monde. Et on finit ce flash avec un fait divers qui vient encore entacher l'image de notre belle cité phocéenne. Règlement de compte un peu particulier hier soir à Marseille puisqu'on a retrouvé ce matin un bras humain immergé au large du Vieux-Port. La police, n'exclut pas la piste du suicide. L'info du vrai faux revient demain. On vous retrouve demain et demain ce sera deux journalistes différents. Ce sera Mathias Ophilapix et Axel Chazal. L'info du vrai faux, c'est terminé. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol, un petit goût de guignol, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre vue sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, bâillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Papaya, papaya, papaya. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Trois cafés gourmands sur Studek Web. Vous êtes sur le coup de boost et Axel, aujourd'hui tu reviens sur le cirque Bouglione. Ta dose de kiff, c'est avec l'équipe du coup de boost sur Studek Web. Exactement Nathan, puisque je suis sorti samedi soir, je suis allé au Cirque d'hiver Bouglione installé à Paris, découvrir leur nouveau show extra. Pourquoi tu rigoles? C'est le fond sonore. Ah, d'accord, tu t'y crois pas, tu vois pas les lions là dans le fond. Ils sautent là, ils sautent. On est dans l'ambiance et c'est complètement normal. Alors vous savez, tous les ans, moi depuis pas mal d'années maintenant, je vais découvrir leur nouveau spectacle et j'ai encore une fois été impressionné. Le programme est... Oh, il y a les lions, voilà, tu vois. Le programme, il est ultra complet. Il compte des artistes qui viennent du monde entier. Trapèze volant venu du Brésil. Un jongleur japonais d'à peine 20 ans déjà, primé dans les plus grands festivals du monde. Un duo de clowns américains qui font autant rire les enfants que les adultes. Et je tiens à préciser, parce que c'est vrai que c'était pas facile à notre époque, hein, de plaire à toutes les générations confondues. En vrai, bah, c'est compliqué. Exactement. Bon, en bref, on peut retrouver aussi des acrobaties. Et puis mon coup de cœur, et ben justement, tu ne crois pas si bien dire, parce que c'est le dernier numéro du show et je devais vous en parler puisque c'est un numéro d'éléphant d'Asie. Je suis assez sensible au bien-être des animaux et donc je me suis renseigné avant d'aller voir le spectacle. Sur la piste, on peut voir trois éléphants. Ils sont hyper beaux et tu sens qu'ils sont en bonne santé, ça se voit. Le dresseur les guide là simplement en fait avec la voix et je trouve ça juste top. En gros, on ressent vraiment une complicité entre l'homme et l'animal. Mais les gars, arrêtez de rigoler parce qu'il y a un bruit d'éléphant, ouais, se calmer quoi. Derrière, ils envoient les éléphants sans arrêt. Mais ils s'éclatent, vous avez raison. D'accord. Ok, c'est même pas les éléphants. Bon, alors en dehors des jours de spectacle, vous vous demandez sûrement ce que font ces animaux. Et bien, les animaux de ce show sont dans un immense parc qui est situé en région parisienne où ils ont de l'espace et ils peuvent profiter pleinement de leur vie d'éléphant, j'ai envie de vous dire. Eh oui, écoutez. Non, sans blague, foncez voir ce spectacle, vous en ressortirez plein d'étoiles dans les yeux, décontractés et ça fait du bien. Le Cirque d'Hiver présente son nouveau spectacle jusqu'au 19 mars. Donc rendez-vous sur www.cirquediver.com pour plus d'informations. D'ailleurs, en parlant de cirque, Axel, je sais pas si t'as vu récemment, c'est dans les actus insolites, j'ai vu qu'il y avait un mec à Nantes qui s'était amusé à dessiner un éléphant, justement. En fait, il courait avec une application, il court et le trajet de son parcours, en fait, il est relié et ça faisait un éléphant. Ouais, c'est très fort. Ouais, j'ai vu. C'est très stylé. T'as vu ouais. ça, Mathias, un ouais, petit peu Ouais, j'ai vu. Et avec, c'était pas un éléphant, c'était autre chose que t'es dessiné. Ah, je te jure que c'est vrai. On en parlera pas. On en parlera dans un instant. Mathias, aujourd'hui, t'as décidé de nous parler de Grinch. Tu m'en as parlé depuis le début de la semaine. Yes. C'est pas. Et ouais. J'adore les sushis. Oh, mais j'adore l'abstrait. Mais j'adore l'abstrait. Le crush de la semaine sur Studek Web. Mathias, c'est notre rap guy. Et sur tous les coups du moment et son coup de cœur d'aujourd'hui, c'est Michel Sardou, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un album qui m'a touché, d'un album qui a su me parler et qui m'a vraiment surpris. Après avoir nécessité plusieurs années de travail, il est sorti la semaine dernière et il a dépassé les 11 000 ventes. Je parle bien entendu du premier album de Gringe intitulé Enfant Lune. Alors je vais commencer par vous présenter Gringe. Pour les rares personnes qui n'arrivent pas à poser un visage sur son nom, Gringe, c'est l'acolyte d'Orelsan. Il est aussi acteur et enfin bref, il fait beaucoup d'autres choses. C'est celui avec Orelsan, ils ont formé le duo Casseur-Flotteur. Ensemble, ils ont produit deux albums, de nombreux feats, un film et une putain de série d'ailleurs. Parenthèse, hein. Allez mater la série, ça s'appelle Bloqué, c'est ah juste oui, hilarant. C'était sur Canal, ouais, c'est un truc incroyable, comme ça, ouais. C'est beaucoup trop drôle. Bref, pour résumer, comme il le dit si bien, Gringe. C'est moi l'inconnu du grand public avec un double platine. Et ouais, un double platine, alors que le mec, si tu dis Casseur-Flotteur, on dit Orelsan. Mais pourquoi son album sort du lot? Premièrement, je pense qu'il était vraiment attendu par tous ses fans, parce qu'il a vraiment un univers à lui, très sombre et très mélancolique, qu'on a commencé à découvrir sur le morceau solo Le Mal est fait. Ensuite, c'est dû au fait qu'il a su surprendre le public, parce que tout le monde l'attendait. Et en tant que Gringe des Casseurs-Flotteurs, et donc en tant que gros rappeur bien lourd, bien carré, et au lieu de ça, bah, il a su trouver une sorte de... parfait équilibre entre chant et rap. Musicalement, je trouve que l'album est incroyable, chaque prod est minutieusement choisie, la voix est bonne et le mix vient sublimer tout ça. Alors quoi de mieux pour s'en rendre compte qu'un titre alliant couplet rap et couplet chanté. Comme un fantôme du passé, revenue comme elle était partie, celle qui m'a brisé m'a rappelé. J'ai décroché, elle m'a dit ça n'est quoi de neuf, ça fait 2 ans. J'ai pas donné de nouvelles, pourtant c'est marrant, je pense à nous deux souvent. Comment est-ce qu'on a perdu tout ce temps? Tout ce qu'on a vécu m'a manqué. Je sais, j'étais dur, tu n'es pas fait pour te ranger. On pourrait recommencer. Où t'étais quand j'étais à bout? Quand j'étais seul à moitié fou? Pour qui tu te prends, à quoi tu joues? Retourne d'où tu viens, n'importe où. Quel mauvais vent t'amène? Tu es la seule chose que tu aimes. Derrière moi comme autant de problèmes. Reste loin et tout ira bien. Quel mauvais vent t'amène? Tu es la seule chose que tu aimes. Derrière moi comme autant de problèmes. Reste loin et tout ira bien. Et tout ira bien. Qu'est-ce qu'il veut que je dise à part fous-moi la paix, hein? J'ai tracé ta silhouette à la craie. Passé 2 ans de ma vie à bader, à boiter, parce que j'avais perdu ma moitié. Arrête de me balader, à ton tour de goûter à l'errance. Trouve une autre victime à amadouer, plutôt crever que de te laisser une deuxième chance, hein? Où t'étais quand j'étais à bout? Quand j'étais seul à moitié fou? Pour qui tu te prends, à quoi tu joues? Retourne d'où tu viens, n'importe où. Quel mauvais vent t'amène? Tu es la seule chose que tu aimes. Derrière moi comme autant de problèmes. Reste loin et tout ira bien. Quel mauvais vent t'amène? Tu es la seule chose que tu aimes. Derrière moi comme autant de problèmes. Reste loin et tout ira bien. Et tout ira bien. Retourne d'où tu viens de Gringe, extrait de son premier album Enfant Lune. Bon, pour finir, j'aimerais revenir à la sincérité que j'ai évoquée tout à l'heure, parce que sur beaucoup de titres, Gringe s'ouvre complètement, et particulièrement sur le morceau Scanner qui est incroyable. Ça parle de son frère et de sa maladie, et il raconte dans une interview qu'il a fini le rec du morceau en pleurant, et quand je l'écoute, je veux bien le croire, allez écouter ça, c'est juste magnifique. Bah écoute Mathias, je suis content que tu nous fasses découvrir Gringe parce que moi tu vois je connaissais plus Orelsan pour le coup et Gringe je le connaissais pas mais je connaissais par exemple la série Bloquée, je la connaissais. Bah voilà, bah tu vois, on va dire que Orelsan c'est la partie lumineuse et Gringe c'est la partie sombre. D'accord. C'est le Luke Skywalker et le Dark Vader. Non mais c'est vraiment sombre son univers mec, c'est la déprime hein. On continue sur Studek Web, on va jouer au booster dans un instant. On va jouer au booster avec un pack Studek Web à gagner. On offre aussi, peut-être vendredi, on l'avait dit, on s'était concerté avec l'équipe, un dessin d'un enfant de l'école élémentaire à côté du Studek. Ça pourrait être une idée. Pourquoi pas ? On l'avait fait une fois, je me rappelle, aux journées radio. Oui, tout à fait. C'est Timothée qui l'a dessiné. Je me rappelle même plus du tout. Pour participer, c'est simple. Vous êtes sur le taquet sur les réseaux sociaux, au taquet sur les réseaux sociaux, avec le hashtag booster, Facebook, Twitter, Instagram. Vous continuez de nous envoyer vos MP. Axel, on en est où sur les réseaux sociaux? Bah écoute, là je suis noyé sous les messages, ça fait vraiment plaisir. Là on a sur Instagram @mecsympa du 93, alors son prénom c'est Antoine. Il nous dit: salut l'équipe, je suis en cours de philo, ça m'endort, c'est l'horreur. Je vous écoute pour garder les yeux ouverts. Et ben bah, bon courage mon pote. Bon courage. Bon courage à toi Antoine. On continue sur Studek Web, on va justement jouer au jeu du booster. Et la boîte noire qui arrive dans un instant, ce sera juste après le son de Dinaro et Gigi Agostino. Ça arrive dans un instant sur Studek Web. A tout de suite. Bonjour, c'est les dimensions. souris de l'heure média sur Studio Club, c'est tous les jours en direct. Retrouvez-moi avec Alice Pascal, ma co-animatrice et évidemment un journaliste qui va apporter son expertise tout au long de l'émission. Des chroniques sensationnelles, comme par exemple Une année un média qui retrace l'histoire d'une émission mythique de la radio ou de la télévision. Ou alors le programme télé. Ça, c'est dans l'heure média tous les jours entre 16h et 17h. Et l'heure média, ce sont nos médias, vos médias et leurs médias. Vous êtes sur le coup de boost, merci d'être avec nous sur Studek Web, il est bientôt 14h50, vous êtes les bienvenus. Salut l'équipe Borderline, voilà je vous appelle parce que j'adore l'émission, ça déchire Borderline. À 11h à midi, je suis fan. Oui, bonjour le coup de boost, voilà moi je suis prof de français au lycée et je trouve ça hyper dégradant parce qu'en ce moment on se fait braquer avec des pistolets, non mais trop naze quoi. Wesh l'équipe, moi j'ai braqué mon prof avec un pistolet, y'a quoi, on est au calme. Coucou l'équipe, en ce moment je rêve très souvent de coucher avec la mère de mes potes, ça me fait stresser, je sais pas quoi faire, j'ai l'impression d'être attiré par les femmes plus âgées. Ah, d'accord. Le dernier message n'a rien à voir avec le début. Hein, ouais, grave. Alors, on avait une paumée, un prof et un braqueur, en gros, mais là, il y a de tout. On le rappelle, vous avez eu le temps de nous envoyer tous vos messages par téléphone avec la messagerie La Boîte Noire. Elle vient tout juste de se fermer, comme vous l'avez remarqué, hein, et vous pouvez continuer de nous envoyer vos messages. Demain, sur Studek Web, on accueille justement notre auditeur qui s'appelle Lucas, c'est ça, il me semble. Lucas. C'est ça. Alors, faut dire qu'on l'a choisi quand même, parmi tous les messages qu'on a eu. Parmi tous les messages, c'est le dernier message que vous avez entendu. Lucas, est-ce que tu nous entends? Allô, Lucas. Oui, je vous entends très bien. Salut, salut. Salut, Lucas. Alors, Lucas, ton sujet aujourd'hui, tu me poses la question que tu, en gros, tu nous dis que tu rêves de faire l'amour avec la mère de tes potes. De un de mes potes en particulier, donc une madré, comme on dit. D'accord. Mais ça t'a pris quand ça? Ah bah il y a quelques semaines, donc au début tu penses, hein, mais ensuite tu vires de ta tête et quand ça part pas, tu t'inquiètes. Il est au courant ton pote? Non, surtout pas. Ah, ça serait meilleur, t'as rien fait, c'est juste un fantasme. Ouais, c'est ça, c'est un gros fantasme. Et j'aimerais bien m'en. Mieux, alors. Et ça fait longtemps quoi. Ça fait longtemps. Non, ça fait quelques semaines. Ouais, je sais pas, un petit mois à tout casser. Mais il l'a dit, ouais, ça fait quelques semaines. Mais tu vois, toi, Lucas, est-ce que tu dois vraiment construire une relation, je sais pas, avec une femme beaucoup plus âgée que toi? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Tu te vois juste, je sais pas, sortir vite fait avec elle ou. Vraiment, tu comptes construire quelque chose? Avant, ça m'était jamais arrivé. D'accord. Ouais. Et là, j'ai pris un peu peur, tu vois, mais. C'est pas du tout prévu. À la base, moi j'ai déjà eu des petites amies, généralement elles étaient même plus jeunes que moi. D'accord. Ouais. Et là, c'est. Enfin, je pense que c'est qu'un fantasme, tu vois, mais si ça. Tu vois, ça monte petit à petit dans la tête, ça va pas du tout là, tu vois. Et okay. Elle s'appelle comment du coup, la mère de ton pote? Vanessa. Ah ouais, mais ça va en plus, elle tu l'as prise pour une MILF en fait, c'est ça, Vanessa? Je sais pas si t'écoutes. En plus, tu vois, elle a le prénom pile poil, genre. Ouais, on voit. Bon bah écoute, Lucas, je te souhaite bonne chance dans ta conquête de la MILF. J'espère que ça va bien se passer avec tes potes, j'espère que tu leur as pas annoncé encore, mais si ouais, tu fais gaffe à ça quand même, parce que les potes et tout. Je vais voir avec Lucas, je vais réfléchir avec lui, on va trouver une solution. Pas de soucis, courage, Lucas. Je serai ton papa adoptif, il s'en sortira. Bon bah merci Lucas en tout cas d'être venu sur Studio Club, tu reviens quand tu veux mec. Salut mon pote. Et ciao. Salut Lucas. On continue sur Studio Club, vous n'hésitez pas à nous envoyer vos messages demain. Pour la boîte noire de mercredi. Ouais, tout du à coup, fait, ouais. Vous commencez déjà à nous envoyer des messages. On va jouer maintenant au booster, pardon. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studec Web. Et vous avez été nombreux à participer sur Studec Web, à tenter de remporter ce pack Studec Web. Voilà, il y en a qu'un qui peut participer. Et il est avec nous maintenant au téléphone. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, alors, salut l'équipe. On ne sait pas du tout comment tu t'appelles par contre. Je m'appelle Jérémy. Salut Jérémy. D'accord. Jérémy, j'ai sur ma fiche que tu es pilote d'avion. Exact. Ouais. Ah, pilote d'avion, donc tu t'envoies en l'air en étant payé. Ouais, on va dire ça d'avion. Comme ça, ouais. D'accord. Bon bah écoute, tu vis où Jérémy? Alors quand je suis pas en vol, je suis à Pompignac. En l'air. Jérémy, okay. Moi j'ai une petite question, t'as une petite anecdote très rapide ou pas pour sur ton métier, sur ton job? C'est intéressant. Voilà, une petite anecdote. Parce que je trouve ça tellement ouf, bah, écoute, en vrai. Tu sais, souvent les stewards ça change assez régulièrement et une fois la veille d'un changement, bah j'ai un peu flirté avec une des autres. D'accord. Bien, il est chaud Jérémy. Intéressant. Je profite de ma jeunesse, elle est pas éternelle. D'accord, ok, donc tu n'es pas marié Jérémy? Non, du tout. Ok. Il gâte pas ta femme. Bon Jérémy, j'espère que tu as compris les règles du jeu. Si tu veux que je te les réexplique, faut que tu me le dises maintenant. Ah ouais, je veux bien, allez. Ok, alors tu vas jouer en fait au jeu du booster. C'est très simple, on va t'aider un petit peu. Tu vas devoir poser en fait un maximum de questions pour retrouver un mot aujourd'hui. Tu dois juste retrouver un seul mot. Donc si par exemple on pense à un pneu de voiture, tu vas dire, est-ce que c'est sur un truc de la route? Voilà. Ça, c'est une question nulle. Mais sinon, voilà, en gros, c'est ça. Le principe du jeu, c'est ça. N'hésite pas, n'aie pas peur, on va pas te manger. Propose, même si c'est pas ça du tout. Vraiment, n'hésite pas, lance-toi. Et c'est quoi le thème alors? Alors, le thème d'aujourd'hui, on a parlé, c'était en rapport avec notre dose du jour, c'est l'école et les profs. Du coup, ce sera plus en rapport avec l'école. D'accord. Que tu peux trouver dans une salle d'école, quoi. Okay. Tu peux te trouver dans une salle d'école. Ouais. Donc le choix est vaste. Hein. Voilà, attention, le choix est assez vaste. Attention à trois propositions erronées. À une proposition erronée, accélère le timer. Donc exactement. Attention, tu as trois propositions avant de perdre. Ok. C'est bon, mais tu peux poser autant de questions que tu veux. Allez, je suis prêt. Il est prêt? On est parti. Alors, est-ce que c'est une arme à feu? Non, mais non. Okay. Non, fais gaffe, tu dis, faut pas dire de mauvaises réponses, sinon le timer s'accélère. Ok, ok. Est-ce qu'on peut écrire en tableau avec? Non. Est-ce qu'on peut le lire? Non. Oui. Oui, alors c'est un livre. Bah non, oui. Non. Mais c'est pas du tout ça le jeu. Mais ça c'est pas du tout ça le mot, Axel. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, tu l'as alors, non, ça se lit pas, on peut apprendre avec? On peut apprendre bah, oui. Une certaine information sur l'heure. Sur l'heure? Ah, c'est une horloge. C'est ça. Eh oui, c'est une horloge. Ah, c'était dur. C'était compliqué. Mais qu'est-ce que tu m'as raconté toi? Mais comment une horloge, on peut lire l'heure dessus. Putain, mais vous êtes. Eh, hey, mais les gars, putain, mais réveillez-vous, je vais m'énerver là. Le deuxième réveil de la journée, ça n'a pas marché aujourd'hui. C'est vrai que j'y ai pas du tout pensé. Mais lui, il me regarde en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Et bah, bravo Jérémy, tu remportes ton pack Studec Web. Félicitations. Bravo mon gars. Félicitations Jérémy. Ça fait du bien. Quand tu veux sur Studec Web, tu es le bienvenu. Et bah, y'a pas de soucis. On t'envoie ça rapidement, Jérémy. Merci l'équipe. Merci en tout cas. Salut, salut. On parle de quoi demain sur le coup de boost, les gars? Les addictions. Non, les phobies, les addictions. Demain, on va partir sur les, ouais, les phobies, je crois. Les addictions. Les addictions, bah, les addictions, si tu veux, Nathan, t'es le maître. Que ce soit sur les jeux vidéo. Commencez à nous envoyer vos messages vidéo. Pour la boîte noire. Exactement. Commencez à nous envoyer vos messages. J'ai Morgane qui vient d'arriver dans le studio. Ça va, oh, Morgane. Salut, Morgane. Salut, les garçons. Elle est assise à côté de moi, je suis content. Alors, Mathias, c'est bizarre. Tu reviens. Calme-toi. J'avais peut-être pas envie de le savoir. Allez, faut se lever. C'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studek Web. Ah bah tu vois, c'était pas si compliqué. Vous êtes sur le coup de boost, demain on revient, on avait 10 du coup sur les addictions. Phobie, addiction. Bon, les gars, vous êtes d'accord, addiction ou phobie du coup. Addiction, addiction. Sur les addictions, addiction. Exactement, allez, addiction. Que ce soit les addictions pour les jeux vidéo, que ce soit les addictions aussi pour la nourriture, ça existe. Tout ce qui est une addiction. Ah, il y en a plein vous des addictions. Vous en parlez, vous nous envoyez vos messages sur la page Facebook, etc. Tout ça. Avec le hashtag addiction, on lance dès maintenant, comme ça vous pouvez commencer à réagir et Axel peut commencer à trier. Exactement, comme ça bah, vous passez avec nous et vous réagissez à l'émission de demain. D'accord, Morgane, tu viens d'arriver dans le studio, ça va Morgane? Ça va et vous les garçons? Oui. Pourquoi tu nous prends une voix comme ça? Ça va et vous les garçons? Bah c'est ma voix, c'est tout. Bonjour. Alors Morgane, je vous une baguette de pain, c'est du les trois quarts de la boulangerie. Une baguette s'il vous plaît. Oh yes. Sur Borderline, Morgane, tu reviens sur quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler rap, on va parler... On va vous faire découvrir des choses et aussi on va revenir sur des infos. Et surtout, il y aura le jeu des poupées russes tout à l'heure. Ok, le jeu des poupées russes qui arrive dans un instant. Le temps d'écouter un dernier morceau sur Studek Web. Nous, on se laisse sur, pour moi, le roi de la funk qui nous a quitté il y a quelques moments quand même. C'est Prince. Kiss. Salut, c'était le coup de boost. À demain. Ciao. Just leave it all up to me, my love, to be yours. Studec Web, bienvenue, il est 15h. Studec Web.